2-0. C'est le commentaire hebdomadaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Denis. Phil, beaucoup de sujets. Ça va faire il y a des semaines qui font l'actualité, évidemment. Cette semaine, des décès, deux gros décès dans le monde du sport. Mais on va commencer avec l'actualité avec le remplacement de Claude Julien. Moi, j'ai été surpris. Je ne suis pas surpris que Claude Julien parte, mais surpris que ce soit. Je pensais qu'il aurait fait la semaine, moi. Ben, écoute, il aurait gagné, je pense que il aurait probablement continué. Mais il y a une chose qu'il faut regarder, c'est que l'année passée, les séries de fin de saison, le Canadien est rentré par les peaux des fesses, puis on sait pourquoi, la charité. Le fait qu'il ait gagné une série contre Pittsburgh, le fait qu'il ait gagné, qu'il ait bien joué contre Philadelphie, malgré qu'il n'était pas là parce qu'il était en convalescence, ça avait quand même. Ouais. Puis deux, moi, je suis convaincu que si l'année passée, le Canadien n'avait pas fait les séries, là, puis il n'aurait pas été là. Moi, je ne suis pas sûr que Claude Julien serait revenu déjà. Non. Cette... Ouais. Et c'est quand des succès d'une équipe ne vont pas bien, c'est toujours le coach qui est cas. Moi, je Ouais. dis toujours, le coach il est aussi bon que les gars qui sont, les 24 joueurs qui sont devant, les 20 joueurs qui sont devant lui. Quand les joueurs sont pas là, le coach, il va être le meilleur coach au monde, Danny. Il peut pas. Il peut pas, puis il n'y aura pas des résultats escomptés. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas été surpris. Marc Bergevin avait des attentes, il a mis la barre haute. Le Canadien a connu un début de saison qui a fait permettre aux gens de voir. Mais actuellement, le problème chez le Canadien, c'est Carey Price. Ouais, c'est clair. C'est oui. Price Ouais, fait c'est clair. pas le job. Quand ton gardien ne fait pas le travail, tu ne peux pas gagner dans cette ligue-là. Non. C'est Deux, trois clair? victoires de plus, puis Julien est peut-être là, Ben, exact. Écoute, il aurait gagné à Ottawa, il ne l'aurait pas congédié. hein? Il avait pas perdu un match en temps régulier sur la route depuis le début de Ouais. l'année. C'est Ouais. au Centre Bell que ça n'a pas fonctionné. Puis deuxièmement, il y a des joueurs qui n'ont pas donné le rendement non plus. Là. Tu sais, je veux dire, je regarde Philippe Dano? Dano. Dano, on a beau être sympathique, ça va être un Québécois, mais écoute, il ne faut rien, il n'avance pas, Non. il ne donne pas les résultats non plus. Donc, moi, personnellement, j'étais pas surpris, mais écoute, la pression médiatique de Montréal est extrêmement forte. En début d'année, tu te rappelles, Danny, d'ailleurs, j'avais écrit dans le quotidien il y a quelques semaines, là, réservez pas votre place pour la Coupe Non, Stanley. moi j'ai été le premier à dire Attendez, aussi, calmez-vous, là, calmez. attendez, là. Ouais. Mais actuellement, il faut être clair, le Canadien ne joue pas très bien. Hier, 3 à 1, là, je me disais, ils sont bien partis, ils vont. Mais après le match, qu'est-ce qu'a dit Ducharme? Ils y ont craqué. Écoute, on ne suivait pas. On ne patinait pas au même rythme. Puis la défensive du Canadien est beaucoup plus grosse. Moi, j'étais content. Mais elle manque de mobilité, là. Oui, Edmundston, Chariot, c'est deux Et défenseurs puis. sans, qui sont semblables. Et Phil, c'est là que Price doit faire la différence. Là. Quand c'est 3-1 à Winnipeg sur la route, puis tu sais que c'est un nouvel entraîneur, c'est là qu'il faut qu'il fasse la différence. Puis il y a de l'indiscipline également du Ouais, côté du ouais, ouais. Canadien. Écoute, moi, là, je regarde les punitions. Tu sais, on peut blâmer les arbitres n'importe quoi, mais les punitions pour. Hey, hier, que Weber, septième punition avec la rondelle dans les estrades. Sept fois qu'il dégage dans les estrades. Voyons donc, arrêtons, là. Tu sais, à quelque part, il faut être honnête aussi, là. Ah non, regarde, Price, mais moi, je parlais avec Marc Fortier, j'ai appelé Marc aujourd'hui pour lui souhaiter bonne fête, puis je disais, Canadiens sont, au début de l'année, j'ai oublié ça, là, je disais que c'était dur, les mettre, bien les classer, tu sais, parce qu'ils ont joué dans une division canadienne, on n'affrontait pas les meilleures équipes, c'était dur d'évaluer. Mais comme je dis à Marc, je pense qu'ils sont meilleurs que ce qui monte là, mais ils sont moins bons dans le début de saison. Ben, ça là-dessus, tu as raison. Le Canadien ne marque pas 6 buts par match, c'est pas Non, non, vrai. non. Hey, tu n'as Mais. pas de Dubois, puis tu n'as pas de McKinnon, puis tu n'as Ouais. pas de joueur d'impact qui va marquer régulièrement 1 ou 2 buts ou qui va marquer 40 buts dans une saison régulière. Tu n'as pas ça chez le Canadien Mais de non. Montréal. T'sais, Ailleurs. je regarde là, t'sais, ton meilleur joueur, il peut marquer. Moi, je pense que des marqueurs de 20, 25 buts chez le Canadien, oui, il y en a. Mais des marqueurs de 40 buts qui ont besoin. T'sais, quand tu as besoin du gros but, là, t'sais, ça prend des joueurs qui marquent le gros but. Moi, je me rappelle des années où Mike Bossy jouait. Il était capable de marquer le gros but. Michel Goulet, il était capable de marquer le gros Cam but. Neely. Cam Neely, il marquait ces gros buts-là. Ouais. Et là, ils n'ont pas ça, le Canadien. Et deux, c'est un sport d'équipe. Il faut que tu gagnes en équipe. Et actuellement, le Canadien ne joue pas en équipe. C'est très clair. On le voyait très bien. Tu sais, quand Weber dit le climat n'est pas bon dans le vestiaire, c'est pas un bon indice, là, Danny. Non, non, non. C'est le capitaine qui dit ça, là. C'est lui qui doit être. Moi, personnellement, je me dis, ça ne doit pas arriver, ces choses-là. Pourtant, ça arrive. C'est un peu pourquoi que Marc Bergevin, il voyait ça aussi. Là. Il suit l'équipe. Il voyait ce qui se passe. Il n'y a pas besoin de personne pour lui dire. Il l'a vu très bien. Donc, il a décidé de poser un changement, mais il a mis sa tête sur la bûche. Moi, il y a une chose que j'aime de Marc Bergevin. Il ne recule pas. Il va à la guerre. Et, il est allé au bat. Puis il dit, c'est moi qui. C'est ma décision, puis je vais vivre avec. Dernière année de contrat aussi, c'est dans le puis pas avec ça non plus. Il a fait des changements, il a fait des transitions, il a signé des joueurs autonomes. Il faut que le club progresse. Le club, malheureusement, ne progressait pas. Duchamp, ben, il y a une chose en passant, là. Si les gens s'attendaient à. Oui, c'est un francophone, mais s'ils attendaient des grands discours, des grands laïus après les c'est matchs avec Duchamp, là, c'est pas son style, lui, pas du tout. Non, comme c'est... Dominique, là, je l'ai rencontré souvent, et je peux te dire une chose. C'est pas le genre de gars. C'est pas un Joël Bouchard. C'est pas un Joël Bouchard. C'est pas un Joël Bouchard, puis c'est pas un Bob Hartley non plus. Non, non, non, non. Mais je pense qu'il peut faire le travail. Comme tu écrivais sur les médias sociaux cette semaine, c'est pas l'idéal pour lui, hein? Arriver puis être par intérim. Je pense qu'il faut qu'il soit confirmé le plus vite possible, au moins si c'est lui. Mais moi, personnellement, je pense que Jeff Molson n'a pas donné le OK puis deuxièmement, il y a une question de budget aussi. Là. Demain matin, tu vas chercher un autre coach ailleurs qui va venir à 3 millions, 2 millions et demi, 3 millions, un coach qui a de la notoriété chez le Canadien de Montréal. Le Canadien n'a pas d'assistance, ils n'ont rien. Il faut qu'il rentre dans la bulle aussi cette année. Oh, oui. Il y a 7 jours aussi, là, il faut qu'il rentre dans la bulle. Demain matin, si tu prends un coach aux États-Unis, ça prend 2 semaines avant qu'il arrive, ça prend 2 semaines avant de s'installer, on va être rendu à la fin de saison, ça va être trop tard. Ouais. Donc là, moi, je pense que de directement faire un changement rapide, là, j'étais déjà supposé, puis je pense que Bergevin l'a fait. Plusieurs sujets d'actualité, Phil. Moi, cette semaine, j'ai eu Michael Lancette, Georges Vizina. T'as-tu acheté le livre? Moi, je suis rendu déjà à la moitié du livre. C'est très intéressant, ça se lit tout seul. Mais c'est une bonne idée, Michael. Franchement, là, Phil, soyons honnêtes, dans l'histoire du Canadien, ça commence après la guerre avec Maurice Richard, mais dans le fond, Georges Vézina, écoute, le trophée porte son nom, ça a dû être quelqu'un, le trophée du meilleur gardien, ça a dû être quelqu'un de grand, là. T'sais, mais moi, je connais Michael depuis une dizaine d'années. Ce que j'aime de Michael, pour avoir travaillé avec lui, c'est un gars qui travaille de façon rigoureuse. Ouais. Un gars qui avance pas un dossier juste pour avoir un scoop, pour avoir quelque chose d'avance. Il est étoffé. Il est bien vu partout où il passe. Je suis convaincu que le travail qu'il a fait, il l'a bien fait. Deux, la pandémie l'a sûrement aidé également parce qu'il y a eu du temps pour le faire. Moi, j'ai pas eu l'occasion de avec tout le confinement et tout, mais je vais aller me chercher cette semaine le livre. Je vais le lire. Mais tu as raison. Vézina, moi, comme je dis aux gens, puis moi, le premier, Georges Vézina, là, je ne connais pas l'histoire de Georges Vézina. Non. Et, tu sais, il est là, puis il y a eu un petit. Il y a eu un trophée qui porte à son nom. Tu ne peux pas avoir un trophée à ton nom sans avoir connu quelque chose d'extraordinaire. Puis 100 ans après encore, Phil. 100 ans après encore, le trophée reste son nom, là. Tu sais, il aurait pu Son chandail, il est même pas tiré au forum. Oui. Ça, tu penses-tu que ça va faire. J'ai posé la question, Miguel. Penses-tu que ça va faire avancer. Ça pourrait. C'est pas de la mauvaise volonté, c'est tout simplement un oubli, je pense. Puis... Mais c'est. Je vais dire, je te dis pas que ça se fera pas. Ouais. Mais tu sais, comme moi aujourd'hui, retirer un chandail, souvent, il y a beaucoup de marketing autour de ça. Ouais. Il y a beaucoup de visibilité. Il y a des gars qui ont de l'histoire aussi. C'est sûr que, tu sais, un Maurice Richard, un Henri Richard, ça a marqué l'histoire du Canadien, les francophones et tout. Georges Vézina, c'est des années 20. Donc, pour nous, ça fait 100 ans. Donc, c'est un peu plus difficile d'embarquer les gens là-dedans. Mais s'il y a une logique, puis s'il y a quelque chose de logique, je pense qu'effectivement, un jour ou l'autre, on devra retirer. Tu sais, on aurait retiré Patrick Roy immédiatement. Puis pourtant, tu sais, je veux dire, oui, Roy, il a quitté Montréal, puis tu te rappelles, on s'en doute. Mais c'était marketing, c'était vendeur, puis c'était le gros show, puis ça fait partie de la business du hockey aujourd'hui. Ça prend quelqu'un pour pousser le projet. T'sais, le dernier chandail qui a été retiré, c'est Émile Bouchard, puis ça fait que Ron Fournier travaille fort là-dedans. C'est un peu pourquoi que le livre peut-être va aider dans ça, parce que là, les journalistes vont se mettre là-dessus, les journalistes vont lire, vont mettre de la pression. Peut-être qu'à ce moment-là, l'organisation du Canadien va sentir la pression des médias, va sentir la pression du public pour poser un tel geste. Mais il va falloir qu'il reste sur la place publique une couple d'années avant qu'on pose un tel geste. Il reste surtout avec la pandémie actuellement. Ouais. Il reste de la famille à Chicoutimi, je pense, de Georges Vézina. Oui, il reste des cousins ou des neveux ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai vu une photo avec où il remettait des livres à la famille là, que Michael avait posé. Ce serait bon peut-être à parler la semaine prochaine avec un des, un des membres. Phil, écoute, deux gros décès au cours de la semaine. D'abord, on va commencer avec notre collaborateur Joe Hardy, mort très subite. Joe, écoute, tu as joué avec lui, avec les Marquis de Jonquière. Deux ans. Connu Jarrod Labeauce. On avait fait un podcast là, une couple d'années avec lui. T'étais avec lui. Il y avait Joe, écoute, il y a eu toutes sortes de commentaires très positifs. Je pense que Joe Hardy, c'est sûr que quand on meurt, on est fin, là, mais je pense que c'était sincère dans le cas de Joe, là, les gens. Ben, il était populaire auprès des gens ordinaires. Ouais. Parce qu'il y a un langage coloré. Je disais toujours, je l'avais écrit mardi passé, Joe, là, il va te raconter une histoire d'année que moi, je vais te raconter, que tu vas trouver correcte. Mais Joe va la raconter la même histoire, mais la façon qu'il la raconte, tu vas la trouver deux fois plus drôle que moi que la raconte. Et Joe avait le don d'être capable de véhiculer ça. Et je pense qu'il y a une couple de semaines, je l'avais vu à GC, où il parlait de l'ancien compte. Puis il parlait des frères Hanson. Il racontait Slapshot. Puis il racontait quand il était allé jouer là, les événements. J'étais chez nous dans mon salon, j'étais tout seul, puis je riais à écouter Joe, puis de raconter la façon, puis tout, comment ça s'était présenté, puis tout. Donc, Joe avait ce vocabulaire-là pour être capable de le faire. Deux, il a quand même joué 16 ans chez les professionnels, là. Vous allez me dire, c'est pas dans la Ligue nationale tout le temps, mais il a vécu toutes sortes d'événements. Et souvent, ces gars-là ont plus d'histoires à raconter qu'un joueur de hockey qui a vécu dans la Ligue nationale, dans la bulle, avec les gros voyages, les hôtels, puis tout. Excuse-moi, j'en ai de le rencontrer parce que tout le monde va dire, hey, écœurez-nous pas avec ça. Mais Joe, il n'a pas vécu ça, là. Joe, il a vécu la misère, lui, là, de déménager, puis de transporter ses valises, puis mettre ton sac là, puis être une couple de semaines dans une place, puis transférer dans l'autre. Donc, quand il raconte ces choses-là, il y a de l'intérêt pour le monsieur de normal. Il écoute tout ça, puis il dit, ouais, il a mérité ce qui est arrivé. Puis en plus, il a fait de la radio pendant plusieurs années à Québec. Il était quand même populaire. Puis il a coaché dans les juniors majeurs du Québec. Il avait quand même une bonne feuille de route derrière lui. Il parlait de Chicone cette semaine, puis Stéphane Lebeau, deux de ses anciens joueurs, puis ce qu'il disait, puis Phil, t'étais son arbitre, t'étais arbitre dans le Junior du Québec dans le temps. Ce que les deux ont dit, c'est que dans le temps, à part Guy Chouinard, il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas d'anciens coachs. Puis c'est vrai qu'il y a d'anciens joueurs qui étaient coachs. Puis Joe avait cette mentalité-là, puis c'est ça que les deux ont dit. On a apprécié ça dans le temps du Junior. T'sais, c'était des... C'était Junior cette semaine. Ouais. Joey Junot racontait les histoires, comment il a eu du fun puis il a ri avec lui lorsqu'il faisait des pratiques parce qu'il avait son langage coloré, il avait sa façon de présenter ça. Donc, non, moi personnellement, Joe, qui a toujours un bon souvenir, mais à 19 ans, il était drôle comme ça. Là. Il n'est pas arrivé du jour au lendemain. J'ai joué deux ans avec les Marquis, puis moi, je n'ai rien parce que Joe Jean. Moi, j'ai joué deux ans avec les Marquis, avec Joe, je n'ai jamais roulé sur le même trio que lui. T'as-tu vu la photo de Stéphane Harvey? Stéphane Harvey, c'est un gars qui. Écoute. Oui. T'aurais-tu pu jouer avec les Jarrod Labeauce, toi? T'aurais-tu pu avoir le talent pour jouer avec... J'avais un talent de marqueur. C'est sûr que j'aurais pu jouer un circuit professionnel où j'aurais été capable de jouer. Puis des ligues de toffe, là, la Ligue du Québec, la Ligue senior, les tournois, il y en avait des ligues de toffe. Mais il fallait que je sois bien entouré, moi. Là. Okay, ça me prenait tout le monde autour de moi. Moi, je me rappelle, je jouais senior, provincial, puis je m'étais fait ramasser quelque chose de rare à Granby, un bon marqueur. Puis le top de l'équipe m'avait dit, Phil, la prochaine fois que tu vas aller dans le coin, là, je vais y aller avec toi, moi. Le gros roi de l'autre côté, il ne touchera pas. Je peux te dire que quand je suis allé dans le coin, le gros roi, que je voyais venir, là, il ne s'est jamais rendu à moi. Là, parce que mon joueur, là, lui, tu l'avais planté, tu n'es rien, tu l'avais planté dans une bande. Donc, c'est sûr que dans ce temps-là, il fallait que des petits joueurs comme moi soient bien protégés. Puis Joe n'avait pas besoin de ça. Ouais. Joe mesurait 6 pieds 1, 6 pieds 2. Et donc, il y avait une bonne pièce d'homme. Puis, mais c'est un joueur exceptionnel avec la rondelle. Il pouvait jouer trois fois le défenseur pour s'amuser, pour faire une passe. Là. Donc, c'était vraiment un beau joueur de hockey. Et hier soir, on a appris le décès d'un monument, on peut le dire, au Québec. C'est un bâtisseur. Monsieur Tanguay. Phil, j'ai parlé avec Michel Germain ce matin, qui est le descripteur de l'Océanique de Rimouski. Un bel hommage. Toi, écoute, toi, tu l'as certainement connu à l'époque que tu étais gouverneur avec les Seigneurs, tu as siégé avec ou? Oui, je l'ai rencontré dans des réunions de ligue régulièrement. Mais moi, j'ai connu plus Jacques, son fils, avec les Remparts de Québec. Lui, Océanique, était un petit peu moins présent. Et c'était surtout André T'es Jolicoeur. malade, hein? Il était malade. C'était surtout André Jolicoeur qui était là. Je l'ai rencontré à une couple d'occasions d'un monsieur, un gentleman, un homme de. Puis je suis allé régulièrement à son tournoi également, de golf à Québec. Il organisait un tournoi de golf chaque année pour la Fondation Maurice Tanguay. J'étais invité régulièrement pour y aller à ce tournoi-là. Je peux te dire qu'il y avait des tonnes de personnalités qui étaient là. Tu sais, tous les anciens coachs de la Ligue nationale, les anciens joueurs, ces gars-là, Alain Vigneault, ces gars-là étaient toujours à ces tournois-là. C'était toujours un agréable plaisir d'aller à ce tournoi-là. Là. Puis vraiment, M. Tanguay, à Québec, mais à Rimouski, c'est sûr que Crosby, là, la dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a retiré le chandail, M. Tanguay était sur la glace dans un fauteuil roulant. Puis Crosby était ému de lui parler à ce moment-là. Et c'est sûr que M. Tanguay va demeurer un homme à Rimouski qui est très populaire, comme il est à Québec, le Rouge et Or, là. Et C'est lui. Jacques Tanguay et ces gars-là, c'est tout Maurice Tanguay qui a parti ces choses-là et qui a décidé d'investir là, dans le sport amateur, dans le sport universitaire. Là. Donc, Mais il va rester, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Michel Germain me disait ce matin que Vincent Lecavalier, ça a été très dur pour l'emmener. Moi, je ne me rappelais pas de Vincent Lecavalier, je me Oui. rappelais de Sidney Crosby, mais qu'il avait fallu qu'il fasse quelques entournées pour l'emmener à Rimouski. Mais je ne me rappelais pas que Vincent Lecavalier, c'est Mme Lecavalier, semble-t-il, avait mis de la pression. Michel le comptait un peu Oui. également. Non, Fait non, non. que. À Rimouski, là, Maurice Tanguay, là, il en est large. Là. Je peux te dire. C'est son petit-fils qui est là actuellement, là, Charles, mais je vais te dire que non, non, il en est large là-bas, puis c'était le dieu de la place. Là. Tu ne pouvais pas parler contre Maurice Tanguay à Rimouski, là, ça c'est sûr. OK. Phil, on s'en parle vendredi prochain. C'est le Merci, bye. commentaire de Phil.